Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 21 octobre 2014. Ce soir, nous sommes trois, trois comparses, et j'ai nommé Martin Sagala. Salut Martin. Salut Luc. Salut, ça va bien? Ben oui, puis toi? Ben oui. Et puis Jean-François Beaulieu, salut Jean-François. Salut. Ça va bien toi aussi? Oui, toi? Ben oui. C'était aussi bien que le 30 secondes. Ben oui. De l'écho. Ouais, mal en 30 secondes. Ben, ça aurait pu échapper un café chaud sur moi ou quelque chose comme ça. Mais non, ça à va deux, très bien. Je suis sûr qu'on peut travailler ça si on veut vraiment. Ouais, c'est beau, mais je vous mettrai pas au défi. Ça pourrait arriver. Donc, messieurs, bonsoir. De retour pour une émission. On a pris un petit congé la semaine passée et c'était bon, 6 000 volontaires. C'était la fête de ma conjointe, puis on enregistre normalement mardi, puis le restant du temps dans la semaine, j'ai pas vraiment le temps, donc j'ai décidé de prendre congé pour pouvoir... De toute façon, les tribunaux sont déjà saturés pour les causes de meurtre et autres. C'est ça, fait que je voulais pas en rajouter un plus, donc j'ai pris congé, et nous sommes de retour cette semaine en force, bon, on espère, en tout cas, on va faire de notre mieux. Quelques sujets aujourd'hui, on va jaser, moi je vais vous parler de mon essai de la Volkswagen Jetta 2014, mais on va commencer avec Jean-François qui a vécu les rappels de GM. Donc Jean-François, tu possèdes une merveilleuse Chevrolet Cobalt. Oui, et Cobalt. Puis je compatis, j'en ai eu une. Oui, et une des voitures, une des bon millions, c'est pas dire milliards de voitures rappelées par GM dernièrement. Non, millions, là, pas milliards. Ouais. Mais bon, conte-nous un peu ton histoire, ce qui s'est passé, puis tu vas nous parler aussi un peu de l'histoire des rappels. Là. Je te laisse aller. Bon, ben, durant la fin de semaine de l'Action de grâce, j'ai eu un rendez-vous chez mon concessionnaire pour aller faire mon rappel sur ma Chevrolet Cobalt, que la pièce, ça faisait à peu près 2-3 mois qu'on l'avait commandée, à peu près. Je pense que Chevrolet s'est fait pogner les culottes baissées parce qu'il manquait sérieusement de pièces. Le temps d'attente était très élevé parce que... Je veux dire, des Cobalt, il y en a partout. Il y en a pas mal sur la route encore. Ouais, mais le problème, c'est que ça affectait pas juste les Cobalt. C'est que c'est la même pièce dans à peu près toutes les autos. Là. J'ai un tableau avec tous les modèles. J'en parlais tantôt. Il y en a pas mal. Des modèles de GM. C'est que le problème, c'est que la clé pouvait s'enlever lors d'un impact. Qui est pratique. C'est qui était très pratique. Alors, la clé s'enlève et les coussins gonflables ne se déploient pas lors d'un impact. Oui, parce que tout le système électronique. La clé se fermait carrément des fois. Si on avait un porte-clés trop pesant, on était capable, même pas avec un gros impact, là, juste en l'accrochant avec son genou, de fermer complètement la switch puis de barrer la colonne de cette direction. Là. Ouais. C'est assez spectaculaire. Ce qui n'est pas du tout stressant à 120 km/h sur l'autoroute. Ouais. Ouais. Non, c'est presque agréable. presque. En autant que c'est une ligne droite, t'es pas payé. Ouais. Moi, tu veux changer de char aussi, c'est une bonne affaire, mais je conseille. Toujours un bon cas d'assurance. Ouais. Ouais. Mais ça me tentait pas de mourir dans ma Cobalt, fait que j'ai décidé de faire mon rappel. C'est plate comme ça. Plate comme ça. Choix plus glorieux. Ouais. Tu sais. Surtout que les Cobalt, des fois, on sait jamais. Fait que c'est ça, j'étais allé. Ce qui était le fun au moins, c'est que j'ai eu un bon service. Les gentils messieurs chez GM m'ont montré la pièce à remplacer, la nouvelle pièce, qui est quand même assez... c'est tout le dispositif du contact qui remplace vraiment dans le volant. Là. C'est c'est au complet. Là. Fait que, puis ils changent la clé aussi. C'est pas la même, c'est une différente, avec une puce différente. Alors, il faut jeter nos clés, nos anciennes clés, là, parce qu'elles ne fonctionnent plus. Sinon, l'auto se barre tout de suite. Si on utilise l'ancienne clé, genre, il ne part pas. Ouais, c'est sûr. Il barre carrément. Là, fait que ça, c'est un problème. Sauf que, c'est sûr, j'étais bien content d'aller chez GM pour... Ce petit changement-là qui dure à peu près 30 minutes à peu près. OK, c'est pas plus long que ça. Non. Ils ont l'habitude de les faire. Ils ont du temps d'avoir de la pratique. Oui, ils font ses yeux fermés, Master. Ouais, c'est quasiment ça. Là. Je veux dire, ils savent c'est quoi, fait qu'ils remplacent fini bonsoir. Ce qui était drôle, c'est que pendant que j'attendais, les vendeurs venaient me voir. Il y avait deux qui venaient me voir, dont un qui m'a dit que j'avais un rabais supplémentaire vu que Mon Cobalt est un modèle de discontinué, puis j'avais un rabais supplémentaire. Quand même assez intéressant, mais je n'avais pas assez d'argent pour investir dans une voiture. Fait que j'ai comme un peu décliné l'offre. Mais pareil, au moins, tu sais, ça a été efficace, puis ça a été fait. Mais je pense que je n'étais pas le seul, puis je pense qu'ils n'ont pas fini d'en faire des rappels. Ouais. C'est GM, parce qu'il y a à peu près. Au début du mois d'octobre, Radio-Canada, tous les sites d'information informaient les gens que General Motors était rendu à 71 rappels au total. Puis je pense que c'était juste pour cette année. Ouais, Parce c'est que la plus grosse année de rappel. c'est l'enfer. Je veux pas trop partir une guerre des sexes, mais. C'est sûr que la madame qui contrôle General Motors n'a pas dû être très, très joyeuse à l'idée de rappeler autant de voitures, de modèles de voitures. Ouais. Au total, c'est 30 millions de véhicules juste en Amérique du Nord qui ont été rappelés. Ouais. Ça ne compte pas les voitures en Europe, en Asie, puis en Australie. Ça compte pas ça, là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est plate parce que Mary Barra, qui est rendue la nouvelle PDG chez GM, a absolument rien à faire là-dedans, là. C'est rien d'arriver, t'sais. Fait que. Ben, elle était là, mais je veux dire, elle sûrement pas, tu sais, je veux dire, Contribuer. elle était pas là, là, je veux dire, c'est pas, elle tombe, elle s'est faite mettre à cette place-là avec ces problèmes-là, fait que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir, parce que c'est quand même assez majeur, mais ça a pas l'air d'affecter les ventes tant que ça, parce que le Ouais. monde Elle a comprenne que, l'avantage de bon, pouvoir s'en laver les mains. ouais, c'est ça. J'ai le tableau ici. Il y a six marques qui sont touchées. Il y a Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile. Je pensais que ça n'existait plus. Mais ça n'existe plus, mais ça fait partie du rappel pareil, parce que C'est ça, ouais. si tu regardes, il y a des modèles Oldsmobile qui étaient la même chose, la même plateforme que les GM. C'est des pièces communes, hein, ce cylindre-là pour la clé de démarrage, je veux dire, c'était utilisé partout, là, à toutes les sauces. Ouais. Puis il y a Pontiac, puis Saturn. C'est ça. Okay. Hein. Il y a beaucoup de modèles qui n'existent plus, mais qu'il faut pas qu'ils changent la pièce pareille. Fait que on est comme Chevrolet, on passe de la Cobalt au fameux modèle HHR que, en tout cas, on en parlera, là, c'est pas le plus beau modèle qu'il Non, pas y a. Jusqu'à la Camaro. vraiment. Camaro de cette année aussi. Là. Cette année, ont été rappelés aussi. Pour le même problème? Ouais, 2010 à 2014. Il y en avait sa tablette de ces pièces-là. Ouais. Ce qui est le fun de savoir qu'ils ont fait le premier appel et qu'ils ont continué de les installer quand même. Malibu, c'est de 97 à 2005. C'est un méchant écart. C'est quasiment, c'est 8 ans, là. Ouais. T'sais? Puis là, même pas là, c'est 2000 à 2014. S'il y avait déjà ça stock sur une tablette qu'il l'avait commandé, je comprends qu'après avoir vu qu'il y avait un problème, ils n'ont pas voulu y toucher. Ben, c'est ça. C'est pour ça que ça m'a pris 3 mois avant d'avoir la pièce. C'est n'importe quoi. C'était très long. Mais tu sais, les concessionnaires ne peuvent rien faire, là. C'est pas eux, ils sont dépendants. Non, eux. La maison mère à Détroit, tu sais. Ouais, ils commandent la pièce, puis s'il n'y a pas de pièce, tu peux En pas. bon français, eux autres, ils font juste manger la chenoute, là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est eux autres qui mangent le chenou des consommateurs, mais c'est pas de leur faute, tu veux dire. Ouais. Non, mais Pas de tu leur sais, faute, ces ingénieurs ont mal conçu les voitures, je sais pas. Hein, ben, c'est. le pire, c'est que c'est même pas ça. Le nombre de sous-traitances qu'il y a dans la construction d'un auto Sûr. est totalement aberrant, là. Fait que la plupart des pièces qui sont là-dedans sont même pas conçues par GM. GM les achète d'une autre compagnie qui fait ça en sous-traitance, là. C'est le problème avec ce cylindre de clé de démarrage-là, là. Ça vient d'un autre C'était le sous-traitant. problème avec les pédales de Toyota. Ça a été le problème avec beaucoup de choses, là. Tain, je veux dire, fait que c'est tout ça, c'est que le constructeur aujourd'hui fait beaucoup moins de pièces qu'il faisait avant. Avant, le constructeur était pris pour faire toutes ses pièces. À cette heure, il achète ça en vrac, puis des fois, il achète ça d'une certaine compagnie. Puis là, tu vas te ramasser des fois que tu vas avoir la même pièce sur des autos qui sont même pas de la même marque, là. Ça va redevenir comme dans les années 20. Il va y avoir des fabricants de moteurs, des fabricants de body, puis les compagnies à probablement parler vont juste aller piger puis se monter une auto. Ouais, tu sais, Ouais, c'est sûr. c'est presque ça, là. Fait que, je veux dire, on est rendu là. C'est pour ça que ce problème-là est si majeur. Regarde, t'as eu des problèmes de sacs de coussins gonflables. À un moment donné, t'as eu des rappels de ces coussins gonflables, mais ça touchait des Mazda, ça touchait du GM, ça touchait du Ford, peut-être. Tu sais, c'était partout, là. Parce que ce fabricant de coussins gonflables-là, il en vend à tout le monde. T'sais, fait qu'on est un peu dans cette problématique-là. Fait que GM, oui, sont coupables d'avoir. Ils savaient que le problème existait, puis y a du monde qui se sont fermés les yeux, puis qui ont dit, bah, mec, t'sais, quand on arrivera au pont, on traversera la rivière, là. Je serai plus là quand ça Mais va péter. c'est ça, t'sais, je vais m'avoir ma retraite dorée quand la balloune va péter. Mais ça reste que le problème originalement vient pas de GM, il vient du fournisseur que GM a choisi. Fait que c'est Ben, un t'es peu le problème. responsable de tes sous-traitants à un Oui, moment c'est ça. donné. Là. Tu l'as choisi. Ça. T'as Bon, lui le moins cher, ben beau, mais gars, t'as voulu le moins cher, ben vais avec. oui. C'est ça. c'est ça. Exact. Mais ils ont découvert que la pièce n'était pas aux spécifications que GM avait demandé non plus. Le sous-traitant avait cheapé. Il avait mis Charge donc, c'était pas des juste 2 piastres moins cher que l'autre aussi. Ben, c'est ça, t'sais. Fait que tout le monde veut mettre de l'argent dans ses poches aussi. Si le sous-traitant est capable de couper une pièce sur chaque pièce qu'il vend à GM, puis il fait une pièce de plus, il est moindré au nombre qu'il en vend, là. Fait que c'est toute cette problématique-là, là. Mais aujourd'hui, GM fait face à la musique, puis il y a du monde qui sont morts. Il y en a qui il y a plusieurs, au moins la majorité le sont pas. Il y en a À beaucoup qui ont date, perdu le job aussi. il y a 27 personnes qui sont décédées des suites du problème. Puis il y en a 25 qui ont été blessées sérieusement concernant le problème. C'est l'avocat de GM qui a fait le petit update la semaine passée concernant les mises en demeure et les poursuites. Parce que, je veux dire, GM, il sait qu'il va faire face à la musique. Puis, présentement, sur les 1193 demandes faites de réclamation, il y en a 25 qui ont eu des offres de compensation pour les décès puis les blessures liées à ce type de problème. Mais ce qui est drôle, ce qui est très spécial, c'est malgré qu'il y a un rappel, les ventes continuent à augmenter pareil chez GM. Ben, ce qui est pas, ce qui est d'un côté encourageant, parce que le monde comprenne que ça fait quand même longtemps, là. Tu parles des autos de Oh, mais 97 puis tout ça, puis qu'aujourd'hui c'est plus nécessairement, tu sais, un problème, puis ils sont plus vite à faire des rappels. Ouais, c'est très généralisé aussi. Là, regarde juste récemment, là, Volkswagen a fait un rappel. C'est qui d'autre? J'ai entendu deux ou trois rappels. Là. Chrysler a fait un rappel. Ils ont fait un rappel sur les premières Mustang à être sorties de la chaîne de montage. Et, tout le monde a des rappels là, à un moment donné. Bon, ouais, c'est ça. C'est-tu l'effet du montage de la chaîne? Y a-t-il quelque chose qui fait que ça revient tout le temps, ce problème-là? On peut-tu le Ben, en régler? fait, les autos deviennent de plus en plus complexes, puis compliquées, puis Exactement. c'est... C'était bien plus simple dans le temps parce qu'il n'y avait pas de coussin gonflable, puis il n'y avait rien dedans, là. Mais même ça, sont faites plus complexes, beaucoup plus avancées, sont beaucoup plus fragiles aussi. Ouais. C'est ça. Mais, C'est ça. tu sais, c'est le problème, mais quand même, tu sais, c'est bon que les ventes continuent quand même à augmenter parce que GM sont en train de sortir de leur bon quasi-faillite de 2009-2010 avec le prêt du gouvernement, tout ça. Ils ont réussi à s'en sortir. Là, faut l'avouer, là, des années 2000, GM sortait un char pour sortir un char, là. Pitoyable. T'avais le même produit qui portait quatre noms différents. C'était une machine à saucisses. C'est ça. T'sais, ça sortait des chars, c'était plate, c'était. Puis ils se sont fait dépasser par les Japonais, puis Ah, par à peu ils près forçaient n'importe même quoi d'autre. plus. Je me rappelle quand ils ont racheté des Wii, ils ont changé presque la moitié de la gamme pour des produits coréens qui n'avaient même pas besoin de développer eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont eu une mauvaise passe. Depuis la quasi-faillite, ils se sont replacés. Je veux dire, les produits qui sortent aujourd'hui sont de beaucoup meilleurs que ce que c'était là, t'sais, 5-6 ans. Fait Oh, ben même il y a 20 ans. Non, Ouais. ben Ça, j'essaie d'aller quand même proche. c'était pathétique aussi avant les années 2000. Là, ça devait déjà faire 20 ans que GM, s'était assis sur son succès, là. Ouais, c'est ça. Fait que t'sais, tu regardes les produits qui sortent aujourd'hui, je veux dire, la Cruze, la Impala, la nouvelle Malibu, t'sais. la Camaro, pis ces choses-là, les petits VUS qui sortent, c'est toutes des voitures qui ont de l'allure. Aujourd'hui, on sort plus, Oh, c'est raisonnable, on n'est pas gêné, là. non, c'est ça, tu sais, on a allégé un peu la compagnie en se débarrassant de Pontiac, puis d'Oldsmobile, puis de Saturn, Du bois mort. puis Hummer, tu sais, qui Ouais. est... Mais c'était des photocopies, c'était des pâles copies, un modèle qui était un autre modèle. Je me rappelle, entre un G5 puis un Cobalt, là, la différence était ridicule. C'était une grille en avant puis la couleur des cadrans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais quand même, j'ai toujours aimé mieux le look des Pontiac. Je trouvais qu'il y avait une petite affaire plus agressive. Il y avait un look un petit peu plus agressif. J'aimais mieux la G5 que j'aimais la Cobalt. Mais tu sais, la Cobalt avait la version SS, la G5 l'a jamais eu. Fait que tu regardes ça, c'est un peu spécial. Même la G5 4 portes, c'est un modèle exclusivement canadien. Il y avait juste la coupée aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, fait que c'est ça. Il faisait dans ce temps-là pas mal n'importe quoi, puis tu retrouvais la même affaire. Tu sais, les VUS, c'était la pire affaire, quoi. C'est chez Pontiac, t'avais Y en avait jusque chez Saab. Non, mais c'est ça, mais c'était la même affaire, là. Tu Il y sais, avait des t'avais. Oldsmobile chez Saab, c'était n'importe quoi, c'était tout mélangé. C'est ça. À un moment donné, il fallait que ça arrête, tu sais. Puis bon, ils ont réussi à rendre ça un peu plus slim, un peu plus. C'est maigre et ça fonctionne un peu mieux aujourd'hui. On va espérer qu'ils vont s'en sortir puis Les qu'ils vont modèles ont pouvoir. arrêté de se cannibaliser entre eux, c'est Moi, déjà un bon début. ça aussi. T'sais. Ils vont pouvoir avoir la tête haute au moins puis commencer avec des produits un peu plus frais, GM. un peu plus matures, ouais, puis être digne de. Plus digne de GM. Le GM, c'est quand même une compagnie qui a tout un historique, là. Oh oui. Mais elle s'est assise sur ses lauriers très longtemps jusqu'à temps de devenir. En Était le... faillite. Ouais, c'est ça. Ouais. Jusqu'à temps de tomber en faillite. Comme quelqu'un avec une bonne job qui finit dans la rue puis qui recommence tranquillement à se trouver une job, là. C'est ça, puis qui essaye de pas refaire les erreurs qu'ils ont faites dans le passé. Mais bon, on verra. Fait que ça, fait que là, ils ont changé ta pièce, ton auto est comme neuve, puis t'avais des vautours alentour de toi en attendant que ton char soit réparé. Ils voulaient te changer ça pour un autre char. T'as pas trouvé Ouais, d'autres choses de cassées qu'il fallait absolument réparer avant que tu sortes, là? non, non, non, non, il y avait rien que ça, ils n'ont rien checké d'autre. Moi, je pense qu'ils doivent filer doux un peu. Ils doivent avoir eu des indications de GM de dire, regarde, changer la pièce, achaler pas trop les clients Ouais, pour pas ça. que, tu sais, Change les pantalons. tu veux pas, hein, tu veux pas écœurer personne avec ça, là, tu sais. C'est comme Non, non, t'es, déjà que t'es au garage pour faire réparer quelque chose que, déjà, déjà que sur les cobalt, il y avait déjà eu un rappel pour les servodirections électriques Ouais. Ouais. qui avaient tendance à décider de ne plus tourner. J'ai fait ce rappel-là aussi. C'est mon deuxième avec la cobalt. Bon, mais au moins, ils font des rappels puis ils réparent les problèmes. C'est ça. Au C'est lieu de... juste ce qui est pas le fun, c'est que tu peux pas aller voir dans le garage. Ça. Ouais. Il te prête une crouse de courtoisie pour t'écœurer quand t'as pas le temps. Ouais, mais une cruze, c'est le remplacement. Vous l'achetez pas cher, monsieur, vous savez. Ouais, mais c'est le Ben, tant de remplacement de la l'autre cobalt. Ouais. en Ouais. échange. La cruze, c'est pas une méchante voiture. J'en trouve belle, moi. Ouais. Il y a quand même un net progrès sur ce qu'était une cobalt, là. Ouais, il manque juste une cruze deux portes, me semble. Une petite cruze deux portes coupées, une cruze SS, là, ça serait bien. Ouais. Il y avait des rumeurs au début, puis je n'ai plus jamais entendu parler, mais il y avait quelqu'un qui avait fait un rendu d'une cruze SS Spectaculairement quelque coupée. chose. C'était assez joli. Ça aurait pu avoir de la gueule, mais finalement, GM l'ont pas fait, peut-être à cause des problèmes ou Ben, financiers, GM quelque est chose de. devenu très sérieux, hein. Il n'y a pas beaucoup de jouets, puis d'exagération, puis de bébelles, des Pontiac Solstice, puis des affaires comme ça. Là. Non, non. C'est Ouais. très, très. On va faire ce qu'on a à faire, là, puis bon, on verra plus tard. C'est ça. Mais ça, c'est une autre affaire. La Solstice moyen, là, mais moi, j'aurais sauvé à Skype, j'aurais mis une petite badge de Chevrolet dessus, puis Bon, c'était déjà juste ça aurait pu se presque vendre. pratiquement c'était l'Opel, là, Ouais. presque sans rien changer, là, la version de Saturn. Oh, ouais, non, c'est sûr. C'était plus joli. Mais bon. Tu as d'autres choses à rajouter là-dessus, mon Jean-François? C'est pas mal, j'ai fait le tour, je pense, Ah là. ben, Sujet, ouais. c'est parfait. On fera pas la liste de toutes les autos à rappeler, là, mais On en a bon. pour trois fois la longueur du show. Si vous avez un GM avec, qui date des années 2000 quelques, vérifiez vos affaires. Un dans l'autre. Si vous avez une auto, faites vos rappels. C'est ça. Vérifiez votre boîte aux lettres. Vous allez... Ouais, ça, ou appelez chez le concessionnaire. Avec le numéro de Exact. série, ils vont vous le dire. C'est ça. Allez faire un tour chez votre concessionnaire. En même temps, peut-être qu'il essaierait de vous vendre une cruise ou quelque D'ailleurs, chose ça comme fait ça. partie des choses à faire d'habitude quand on se magasine un véhicule usagé. On appelle pour voir si les rappels ont été faits. Oui, toujours. Prenez le numéro de série de l'auto puis vous appelez. Si vous l'achetez chez le concessionnaire de la marque, c'est déjà quand même moins pire là, parce qu'ils vont pas vous le dire. Mais si vous l'achetez d'un centre de voitures qui vend des tonnes et des tonnes de voitures ou un autre garage qui n'est pas le garage de la marque que vous achetez, Situé sur le bord du chemin. ouais, ben ça ou t'achètes, je sais pas, ou t'achètes une Cobalt ou pas une Cobalt ou une Cruze chez un Nissan, tu sais. Ça. Prends le numéro de série puis informe-toi. Fait que si les Et rappels puis. sont pas faits, fallait faire, puis après ça, ben c'est correct. Puis les rappels, si c'est un rappel, c'est peu importe l'année de la voiture, faut que ça soit fait. C'est pas, c'est souvent sécurité. Fait que c'est pas une question de ah, mais mon auto est plus sous garantie. Non, mais le rappel s'applique quand même. C'est ça. N'oubliez pas ça. Parce que c'est oui, c'est de la sécurité, tant la sécurité, mais c'est aussi la sécurité des autres que. C'est une faute avouée. Ouais, c'est ça. À moitié pardonné, non? Ouais. Non. Bon, ben ça dépend. Ça dépend pour qui. Ouais. Ça dépend du véhicule. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je vais vous faire ma petite critique ou mon petit compte-rendu de mon essai de la Volkswagen Jetta 2014 que j'ai essayé, bon, v'là un petit bout de temps. Ça a été un des essais qui, malheureusement, s'est terminé trop rapidement. Ma femme et mon fils n'ont pas eu le temps d'asseoir leur postérieur dans la voiture. Oh. Parce que le vendredi ou le jeudi, non, le vendredi, je me suis aperçu qu'il y avait une crevaison sur le pneu arrière côté conducteur de la voiture. Et puis, je suis allé pour le faire réparer. Personne ne pouvait la prendre. Donc, je l'ai ramené plus tôt. Je l'ai ramené le vendredi après-midi et je suis reparti avec un essai que je vous parlerai un petit peu plus tard dans la saison. Peut-être dans une couple de semaines, là, on invitera Simon-Pierre et tout ça à venir. Faire une petite succession d'émissions pour des voitures électriques, parce que j'en ai quand même essayé pas mal, mais je suis reparti avec une Leaf. Donc, j'ai laissé la Volkswagen pour m'en revenir avec une Leaf, qui est deux conduites totalement différentes. Tout à fait le même esprit. C'est, ouais, pas vraiment. Donc, ça, la Jetta que j'avais, c'était pas une Jetta TDI, c'était une Jetta avec le moteur 1.8 TSI. Et puis une transmission manuelle à 6 vitesses. Ça faisait longtemps que je n'avais pas conduit manuel. Puis non, c'est comme un peu comme faire du vélo. Un coup, t'en as fait, tu t'en rappelles. Donc j'ai beaucoup aimé le mix du petit moteur TSI avec la transmission manuelle à 6 vitesses. C'était bien amusant. C'est une voiture qui aime ça. Tu sais, elle note la seule affaire que je trouve que la Jetta commence à. En tout cas. La Jetta que j'avais, qui était la 2014, commence à prendre de l'âge un peu, là. Oh. C'est plus, mais c'est parce que c'est plus aussi. Comparé avec la nouvelle Golf qui vient juste de sortir, c'est sûr qu'elle a pris une coupe de rides, là. C'est ça, mais tu sais, même si tu compares ce qui est dans son segment, là, si tu compares les voitures qui sont dans sa même catégorie, tu sais, la Mazda 3, la Mazda 6, On va dire qu'elle est très conservatrice. l'Optima, tu sais, est ordinaire, tu sais, Elle est très, très conservatrice. c'est ça, ça a un look sobre. C'est pas flamboyant, on se pète pas les bretelles en disant regardez ce qu'on peut faire côté design. C'est allemand, c'est des lignes fluides, c'est beau, mais on va pas dans l'excessif, tu sais, on va vraiment C'est normal. dans le conservateur au possible. Mais bon, puis c'est un peu bizarre parce que je sais pas si tout Mais le ça monde. fait des véhicules qui se démodent pas, par exemple. Non, c'est ça. Elle va Les passer, tu sais, premiers dans. Nissan Murano, là, ils ont l'air bizarres, là, quand on les voit passer. Oui, c'est sûr que tu as des voitures qui vieillissent mal. Une Jetta, ça vieillit pas nécessairement mal. C'est sûr, si tu pognes les vieilles Jetta carrées, Mais peut-être un peu plus, là. Mais ces Jetta-là vont rester pas mal, quand même pas mal, tu sais, jeunes longtemps, même si c'est pas flamboyant, parce que le look changera pas nécessairement beaucoup. C'est pas nécessairement super loin du design de la prochaine. Qui va quand même un peu ressembler à ça, mais là, j'imagine qu'on va y aller un peu le look de la nouvelle Golf, mais tu sais, ça va rester quand même un peu similaire. Fait qu'on sera pas à des années-lumière de ce que ça a l'air présentement. Mais tu sais, si tu vas chercher une Jetta GLI ou une spéciale 30e anniversaire, ils ont un petit peu plus. T'sais, ils ont rajouté un aileron, ils ont rajouté des kits de jupe, la grille en avant, le devant est un peu changé. On a rajouté, t'sais, des kits d'aérodynamisme, puis un kit, t'sais, pour qui donne un look différent. C'est un petit peu plus Ça a l'air un petit peu plus jeune, ça a l'air un petit peu plus différent, là, un petit peu plus hot. Mais la Jetta de base, comme celle que j'avais, là, tu sais, c'était plus ordinaire. Ça passait pas mal inaperçu dans le trafic. Le monde se retourne pas pour voir passer une Jetta comme ça, mettons. C'est une GLI peut-être, mais Non, faudrait ça. la peinturer jaune serein. Ouais, c'est ça. Sinon, ça passe pas mal inaperçu. Mais tu sais, je sais pas si le monde sont au courant, mais la Jetta, c'est finalement comme la sœur de la Golf, là. Ça a vraiment sorti parce que les Américains, eux autres, des hatchbacks, les voitures à rayons, ils aiment pas ça. Donc, ça prenait une alternative pour essayer de vendre des voitures aux Américains. Donc, la Jetta venait un peu remplir C'était la Golf allongée. c'est ça, c'est la Golf avec une valise, t'sais. Ça venait un peu remplacer ou donner une deuxième offre Option. aux Américains, deuxième option aux Américains. Je me rappelle les premières, il y en avait même des coupées avec la valise. Ouais, mais tu sais, ce qui est bizarre, par exemple, si tu regardes aux États-Unis, les Américains n'aiment pas la hatchback, mais adorent les station wagons, comme on appelle, là, les familiales. Fait qu'au Québec, la Golf familiale s'appelle la Golf familiale, puis aux États-Unis, la Golf familiale s'appelle la Jetta Sportswagon. Parce que Jetta, les Américains aiment ça. Golf, les Américains aiment un peu moins ça. Même si, je veux dire, la GTI a quand même une bonne réputation aux États-Unis parmi les amateurs, là. Ouais, pour les chars pour s'amuser, mais là, on parle d'un sport compact, là. C'est ça. Autant il va en avoir pour triper sur les Civic SI qui vont jamais arriver là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que la Jetta, c'est comme une Golf, mais à valise. Fait que ça, l'extérieur, comme je disais, c'est pas flamboyant, là. C'est pas rien d'extraordinaire. Le look est beau, mais c'est rien de plus que ça. Bon, dans des versions de base sont vraiment comme encore plus ordinaires. Moi, probablement que c'est une Sportsline, là. Ce qui est juste plate, c'est qu'on nous donne pas les détails nécessairement de la voiture qu'on a. Chez Volkswagen, on nous donne pas ce qu'on appelle les collants de vitre, les espèces de collants bleus qui est dans la vitre. Il y a certains constructeurs qui vont nous donner ces collants-là, donc on sait exactement toutes les options, le modèle, la version, avec le prix, puis tout ça. Volkswagen fait pas ça. Donc, faut en monter une sur le site puis espérer qu'on tombe dessus. D'après moi, c'est une Sportsline que j'avais, parce que j'avais pas toutes les gugus possibles, imaginables. Fort anti-brouillard quand même avec les phares halogènes. C'est des phares halogènes bien ben ordinaires, pas de HID, rien de ça. De base, là, si vous prenez une Jetta de base, je vous dirais que peut-être il y a peut-être mieux que ça sur le marché. Faut vraiment aller pour une Sportsline ou une Comfort Line, là, pour avoir quelque chose de pas pire. Si vous prenez les Jetta de base avec le moteur 2 litres qui fait comme, je vais reparler plus tard des motorisations, je pense que c'est comme 117 chevaux, la fin de même, là, ça a de la misère à se traîner puis ça boue avec un camion. Indestructible. Bon, Non, oui, sauf que c'est économie d'essence, oublie ça, là. Ça. oublie qu'économie d'essence, appréciation de la conduite, performance, Non. c'est tout dans le dallo, là. Non, c'est point A, point B, c'est tout. Fait que vous avez un Une autre char qui a génération. Ouais, vous avez un char qui a un look ordinaire avec une motorisation ordinaire. Faut aller vers comme je disais, la Sportsline ou la Comfort Line pour avoir quelque chose d'un peu potable. Même la version de base, vous allez avoir des roues en acier de 15 pouces avec des capes de roues, là, tu sais, des enjoliveurs, là, tu sais. Fait que On c'est, rit pas. non, un petit peu ordinaire. Sinon, ben, vous pouvez avoir du 16 ou 17 pouces. Moi, j'avais du 16, si je me rappelle, sur le mien, qui était quand même pas si pire. Les jantes sont quand même belles, mais c'est encore là rien de flamboyant. Clignotant, bon, clignotant d'un rétroviseur, ça c'est quand même pas pire. Ça s'en vient pas mal commun, par exemple. Ça donne un beau look, là, mais c'est un peu commun. Si vous prenez la version de base, des miroirs, les rétroviseurs, là, les miroirs sont noirs, sinon ils sont la même couleur que la carrosserie. Si vous prenez un peu plus haut de gamme. En arrière, c'est pareil, c'est sobre et bien ben simple. On n'a rien fait d'extraordinaire. Le coffre ouvre quand même assez grand. Il y a quand même assez de place dans le coffre. Le coffre est grand, là. On est capable de mettre une coupe de valise et tout ça. Ça manque pas de place, au moins c'est pratique comme Elle répond voiture. à sa vocation berline. C'est ça, elle répond à sa vocation. Intérieur, ben la mienne, c'était pas mal le festival du plastique dur. Mais ça, c'est commun Comme dans le bon vieux temps. ouais, c'est ça, c'est commun dans beaucoup d'autos. On essaie de ramollir un peu les plastiques. sur certaines voitures. D'autres, on n'essaye pas. Dans Jetta, on n'a pas essayé fort fort. C'est du plastique dur pas mal partout. Juste les accoudoirs dans les portières qui sont rembourrés. Pour au moins, si on décide de s'appuyer là, c'est confortable. Ça fait pas clunk. Ouais, mais tu sais, moi, mon auto, par exemple, faut que je dise, elle avait vraiment un beau look, là. L'extérieur était bleu foncé, une espèce de bleu marine. Et puis, l'intérieur était beige. Donc, beige en cuir, ça ressortait vraiment beaucoup. C'était vraiment joli. L'intérieur des portes était aussi beige, la même couleur que les sièges. Fait que ça, quand on ouvrait la porte, ça flashait, là. Ça donnait vraiment un beau look. Mais pour le reste, comme je disais, c'est festival du plastique dur, là. C'est pas mal dur partout, à part d'un portière. Bon, j'avais le Bluetooth, j'avais volant ajustable, hauteur télescopique. Ça c'est bon. Les boutons, bon, c'est commun sur le volant. Système de navigation, système Bluetooth. Avec la Jetta, je suis allé faire un tour à Ville d'Anjou. Il fallait que j'aille rejoindre l'ami Sylvain Juteau pour aller chercher une borne de recharge pour ma gang de tests de voitures électriques. Fait que je suis descendu jusqu'au Rona à Boucherville, la Ville d'Anjou, avec l'auto pour aller chercher ça. Puis j'ai programmé les coordonnées dans le GPS, juste parce que je savais pas c'était où Galerie d'Anjou, mais juste pour le fun de voir comment, si le GPS m'amènerait là, et puis ça serait facile à utiliser. Puis oui, c'était facile à utiliser. J'ai branché mon iPad dessus pour écouter mes podcasts puis ma musique. Ça a bien été. Téléphone aussi, faites des appels, pas de problème. C'est pas les plus belles cartes de navigation que j'ai vues dans ma vie, mais ça fait le travail. Fait que ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Sièges en avant sont confortables, puis on a assez d'espace pour les coudes, les jambes, on n'est pas trop tassé. Puis les sièges en arrière, bon, quand même assez de place. J'ai pas assis beaucoup de monde. Vous allez voir, la semaine prochaine, je vais vous parler de mes essais des Kia Forte. J'ai pu essayer la Coupe puis la Forte 5. Là, j'ai paqueté le char, comme on dit. On est parti 4 adultes avec un enfant. Fait que la Forte 5, elle s'est faite tester à fond. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. La Jetta, comme je vous dis, j'ai eu une crevaison, un flat, fait que j'ai pas pu même asseoir personne en arrière. Je sais pas c'est quoi le dégagement. Ça a l'air bien, par exemple. Je regardais l'espace pour le dégagement des genoux. Ça a pas l'air trop serré. On peut rabattre les sièges 60-40 si on a besoin de plus d'espace dans le coffre, mais le coffre est déjà quand même assez grand. Motorisation. C'est là qu'on prend une heure de plus cette semaine pour parler des moteurs. Non, je vais faire ça vite, là. Il y a 5 moteurs disponibles. Le moteur de base, 4 cylindres 2 litres, qui produit 115 chevaux, là, comme je dis, oubliez ça, là. Il y a meilleur que... Si votre budget vous permet juste de vous acheter une Jetta de base, allez voir d'autres choses. Parce que ça va consommer plus que n'importe quelle des autres motorisations. Ça va consommer plus que n'importe quoi d'autre que vous allez trouver dans la même catégorie-là. Même moins cher. Ouais, parce que là, on parle de 9,1 litres au 100 km sur route, puis en ville, puis 6 litres au 100 km sur route. Fait que là, avec on le parle... vent dans le dos. Ouais, c'est sûr qu'on parle d'une consommation d'à peu près 8 litres au 100 km, 9 litres, puis là encore là. Ça, c'est des chiffres annoncés, vous allez peut-être aller 10 puis 11 même à ça dans le trafic, des choses là. C'est pas le choix à aller. Sinon, vous avez un 4 cylindres de 1,8 litres turbo compressé, celui que j'avais, 170 chevaux, 184 livres-pieds de couple. Très agréable. Oui, c'est un bon mix. Après ça, il y a le 4 cylindres 2 litres. TSI qui fait 210 chevaux, 207 livres-pieds de couple. C'est le moteur de la GTI qu'on retrouve là-dedans. Et puis, ça, c'est vraiment la version GLI. Ça devrait rendre le plastique dur très vivable. Oui. Ça rend le plastique dur presque imperceptible. Et puis, c'est ça, sauf si vous freinez sec. Peut-être vous tapez la tête sur le tableau de bord, vous allez peut-être vous rappeler quelque chose. J'ai remarqué, la Beetle aussi était très plastique dur. Oui, pas mal. C'est très Volkswagen. Oui, mais la Golf GTI que je vais vous parler dans quelques semaines, un peu mieux. Même beaucoup mieux. Oui, je me rappelle. Oui. Après ça... L'auto, t'es beaucoup mieux. Oui, pas mal mieux. Donc, c'est ça, 210 chevaux, 200 livres-pieds de coupe, 207 livres-pieds de coupe. Ça, c'est la GLI puis la 30e anniversaire qui sont équipés de ça. Après ça, on a un moteur TDI donc diesel, turbo-diesel, 140 chevaux, 236 livres-pieds de couple. Là, on parle d'autre chose. Laissez-vous pas berner par le 140 chevaux. Laissez-vous charmer Non. par le 230 li 236 livres-pieds de couple. Oui. OK? C'est diesel, merveilleux. Si vous avez les moyens de vous payer une Jetta diesel, vous faites beaucoup d'autoroutes, vous faites de la grande route, c'est le choix à faire. Vous faites beaucoup de villes, vous êtes toujours pris dans le trafic. Il y a une Le version hybride. diesel, non, il y a une version hybride, le diesel n'est pas nécessairement pour vous. Version hybride qui est la dernière version, c'est un 4 cylindres turbo de 1,4 litres qui est jumelé à un moteur électrique. Les deux ensemble, ça donne 170 chevaux, 184 livres-pieds de couple. Donc ça, c'est la version hybride. Transmission, ben là, il y a une boîte manuelle à 5 rapports, automatique à 6 rapports sur le 2 litres, celui que je vous dis de ne pas toucher. Après ça, les autres, c'est toutes des transmissions 6 rapports, soit DSG, soit régulière, là. Puis on a aussi une transmission à 7 rapports sur la version hybride. Donc les consommations, là, on est un peu partout, là, dépendant. On parle de La 6,7. fourchette est assez large. La fourchette est assez large, là. Je vais passer un peu là-dessus. Je vais vous dire le diesel. Lui selon Volkswagen, 6,7 litres au 100 km en ville, 4,7 litres au 100 km sur route, ce qui est probablement intéressant. Version hybride, on parle de 4,5 litres au 100 km en ville, puis 4,2 litres sur route. Puis moi, la version que j'avais, elle avait une consommation estimée de 8,1 litres au 100 km en ville, 5,6 sur route, avec la transmission manuelle 8,9 en ville, 6,2 sur route avec l'automatique. Puis moi j'avais bon la 1,8 TSI avec la boîte manuelle à 6 rapports. Puis j'ai fini ma semaine avec une moyenne combinée de 5,6 litres au 100 km. Fait que non, je l'ai pas brassé, non, je l'ai pas eu pour toute une fin de semaine, non, j'ai pas chargé des gens dedans pour les apporter du point A au point B, mais à date, 5,6 litres au 100 km, à part pour les voitures hybrides ou hybrides rechargeables, c'est la meilleure consommation que j'ai eue, même avec la... J'avais pas réussi à avoir ça avec la Golf familiale diesel. On l'a essayé plus longtemps, peut-être tu serais rapproché un peu des estimés de Volkswagen. Peut-être. Je m'attendais plus à un 6,6, quelque chose comme ça, là. 5,6, c'est extraordinaire. Mais c'est peut-être pas quelque chose que vous allez pouvoir taper semaine après semaine, là. Mais ça dépend toujours de votre style de conduite, des choses comme ça. Mais c'est faisable. Je l'ai fait en quoi, en 4 jours, 4 jours et demi. C'est quand même pas pire. Comportement routier, mais c'est une voiture allemande, là. Ça tient bien la route. La direction est précise. Avec le moteur que j'avais, c'était merveilleux. Les accélérations étaient vraiment le fun. C'est une voiture qui déteste pas se faire lancer une courbe ou des choses comme ça. C'est des voitures qui tiennent quand même très bien la route. C'est des voitures allemandes, là. Rechigne pas à se faire brasser. Hein. Non, c'est ça. Ça les dérange pas trop. La transmission automatique, la transmission manuelle, les vitesses se changent bien, là. J'ai pas trouvé que c'était difficile ou qu'il y a des rapports qui passaient mal. C'était bien. La suspension était confortable. C'était pas dur, c'était pas mou. Juste assez pour sentir la route et tout ça. Donc c'était vraiment très bien. C'est une voiture qui montre que c'est pas parce que t'as une voiture quatre portes que c'est obligé d'être plate, tu sais. Fait que, puis juste la chose à se rappeler, c'est que si vous cherchez une voiture diesel, mais vous avez deux choix. Dans cette catégorie-là, vous avez deux choix, la Jetta ou la Cruze diesel. C'est tout. Pour le reste, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a la Mazda 6 qui est supposée recevoir un moteur diesel, mais ça fait C'est pas la même 2 ans. catégorie non plus. Non, non, c'est ça, c'est un petit peu plus gros. La 3, moi je pensais à la 3, j'ai parlé de la 6. La 6 est supposée recevoir un diesel. La 3, on n'a pas entendu parler. Même la 6, ça fait 2 ans que ça traîne. Ou en Amérique du Nord, c'est assez rare, les Américains en veulent pas, c'est comme les hatchbacks. Bon, un peu. Donc c'est un petit peu plus difficile à avoir. Pour le reste, il n'y a pas de diesel dans cette catégorie-là. Fait que c'est ça ou rien. Fait que si vous voulez un diesel, c'est Cruze ou c'est Jetta. Puis je vous dirais que les deux se comparent. J'ai conduit la Cruze diesel, puis c'est bien agréable à conduire aussi, là. C'est une voiture qui se comporte très bien sur la route aussi. Je vous dirais, ça c'est vraiment au goût à ce point-là. La Cruze a peut-être l'air un peu plus moderne que la Jetta. Mais allez les essayer tous les deux si vous cherchez une voiture diesel, puis vous ferez votre Vous choix. aimez les rappels? Ouais, ben, si vous aimez les rappels. Je vous rappelle que si vous aimez les rappels. Non, mais c'est ça. Il y a eu des rappels chez Volkswagen, pareil. Puis un Non. rappel, c'est pas nécessairement méchant. Au moins, c'est le constructeur qui veut réparer ses autos. Exact. C'est quand même un point simili positif. Mmh. Bon, fait qu'on va finir ça là-dessus. Messieurs, merci. Si les gens veulent vous rejoindre, comment peuvent-ils faire cela, Martin? Oui, ben sur la plupart des réseaux sociaux, par mon nom, Martin Sayala. Sinon, il m'est arrivé et il m'arrivera éventuellement Jadis, d'écrire. dans un passé pas si lointain. Ah, lointain et pas si lointain, et probablement dans le futur aussi, d'écrire sur le site du podcast Auto. Ouais, mais il se passe pas grand-chose. Je mets le podcast là, pour le reste, c'est assez tranquille. Il y a tellement de sites qui sont des références pour, tu sais, pour les essais, puis pour des nouvelles, des choses comme ça. Puis je veux dire, moi, j'ai une job à temps plein. Je travaille de 8 à 5, 8 à 4 et On demi a à tous tous les une jours. job rendue là, c'est C'est ça. ça, tu sais, j'ai pas le temps de suivre toutes les actualités puis tout ça. Puis je le sais. Le monde est bien servi ailleurs. C'est pas comme s'il y avait rien. Fait que le podcast, j'adore. Écrire pour Kijiji, j'adore. Mais tu sais, refaire des nouvelles, des choses comme ça. Il y en a plein de sites comme ça. Fait que je veux pas vous achaler avec ah, venez voir sur le site, j'ai mis une nouvelle. Ouais. Ça m'arrivait de temps en temps, mais là, j'ai juste pas le temps. Fait que j'aime On autant être fait temps quelque que le chose monde. d'intéressant, ça peut arriver. Sinon, ben, C'est ça, c'est ça. c'est ça. Sinon, le podcast apparaît toutes les semaines quand on prend pas congé. Bon, c'est ça. Et puis, bon, on t'a fait un petit aparté. Toi, Jean-François, si les gens veulent te rejoindre, que font-ils? Ben, c'est sur Twitter, à JFLIEU. C'est pas mal la seule place pour l'instant, là, que les gens peuvent me rejoindre. Il y a mon Facebook, mais Ouais, ça c'est plus plus facile. personnel. Yes. Pour moi, si vous voulez me rejoindre, sur Twitter, c'est AskAlazormo. Il y a aussi le compte du podcast Auto qui est à Podcast Auto. On a une adresse courriel ça sent les boulamites. De temps en temps, jouer une espèce de boule de boule de foin, tu sais, qu'on voit dans les westerns qui passent. Mais pas de courriel, rien. J'imagine que c'est ça. Les gens ne veulent pas nous écrire, mais c'est pas grave. Mais si jamais ça vous tente de nous écrire, l'adresse courriel, c'est lepodcastauto à gmail.com. Vous pouvez aussi me lire à chaque semaine sur le blog de Kijiji, où j'écris sur l'automobile, bien sûr. C'est frkijijiblog.ca dans la section véhicule. Puis j'ai aussi un autre podcast que je fais avec un simili-ami qui s'appelle Jean-Benoît Gagné, qui animait l'émission ici à un moment donné. Mais là, Jean-Benoît est retourné à l'université, donc il y a pas mal moins de temps. Ça, c'est aussi sur iTunes si vous voulez écouter ça. Ou sinon, vous pouvez aller sur le réalité. Hog.com, vous trouvez le podcast et des choses comme ça. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour de l'émission cette semaine. Et puis, je vous dis merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter et d'écouter nos balivernes. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. Salut.